on s'en va dans notre pays, la bite à TV! Moi, je viens de la BTB, moi, je viens de la BTB. Moi, je viens d'un pays qui est un arbre fort. Moi, je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Dans ce pays qui était comme un œuf, le 13 février 1939, je suis né à Val d'Or en la BTB. Dans ce pays qui est encore tout neuf. J'ai connu Ernest Turcotte qui vivait en de beaux bourrons et parlait aux embryotons qui chaque matin chose assez mode pour aller comme si Joe Hébert fond de la forêt avec ses terres. Qui avait pas de chinzo, qui avait haché boxeau, pis des bras durs comme la roche, pis des cuisses comme des troncs d'eau, pis du front tout le tour de la tête. Qu'il n'était pas si belle. En 1910, en Abitibi, dans mon pays. Moi je viens de la Bétibi, moi je viens de la Bétatibi. Moi je viens d'un pays qui est de la Béron. Moi je viens d'un pays où est-ce que le poisson mort. Quand j'étais petit, j'allions jouer au bois avec les épinettes et les bouleaux. J'allions gazouiller avec les oiseaux. Quand j'étais petit, je suivais le ruisseau. Jouais de la ricano sur la rivière Harmonica. Sur l'avion passer les gros chars. Sur ma petite scène qui venait en or. Dans un banc de neige, je creusais maison. Et dans la glace, j'écrivais tombe. Et l'hiver à l'aréna, on patinait tout en temps. L'été près du lac Loin, on faisait ensemble dans le rien. On ramassait des belles là, on vendait pas presque rien. En 1904, en Abitibi, dans mon pays. Moi j'ai de la Bétatibi, moi j'ai le pays qui a un ventre en or. Moi j'ai le pays où ce qui m'élève encore. Dans mon pays quand il offre la carte, mon oncle mon travaillait sous la terre. Mais il creusait dans l'or sa propre mort. Mon oncle mon nous a mis sur la carte. Dans mon pays qui a grandi, il paraît tôt du premier temps. On y gagnait beaucoup d'argent, y'a de l'or en bord qui dort ici. Y'a même des poignées de porte en or, un cuivre en fer qui vont de l'autre bord. J'aimions jouer dans la fanfare pour éclater tous les pétards. Quand j'aimions les châteaux et nos bois, les rires avec des vestes, je revenions comptant les as. Au petit matin, mais la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie,